Vous avez dû répondre un peu vite. C'est à peu près certain qu'il n'y a pas eu si peu de monde à être passé lors de cette soirée.